Prononciation, intonation. Exercice 27. Intonation interrogative. Prendre à témoin. Écoutez. Tu sais où ils se sont séparés? Place de la Concorde. Tu ne trouves pas ça drôle? Répétez. Ça ne te fait pas rire? Ça ne t'amuse vraiment pas? Ça ne te dit vraiment rien? Ça se voit vraiment? Ça se dit déjà?